seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer! Salut et bienvenue à une autre émission de Subversion, édition du 25 mars 2016. Je m'appelle Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death, avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. Comme d'habitude, enfin je suis avec vous, mais en même temps je suis sur la route. Et oui, comment ça? Eh bien, c'est que dans cette semaine de vacances, je suis parti vers l'Abitibi, et là je devrais être sur le chemin du retour au moment où on se parle, dans le coin de Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides, ou un petit peu l'autre bord, dans le parc La Vérendrye. Bref, oui, je suis capable de boire une Labatt 50 en ce moment au micro et de et d'être sur la route en même temps, mais bon, OK. Émission, oui, parce que bon, oui, cette semaine de vacances a très bien débuté avec ce concert d'Exciter et de Pile Driver Faux Funs Électriques à Montréal, et aussi le concert d'autre chose et de Reanimator au Cercle à Québec le lendemain. Alors, j'espère de pouvoir de vous ramener quelques archives, quelques extraits sonores, voire d'entrevues peut-être avec de ces personnages qui se seront illustrés sur les deux scènes durant le week-end dernier. Alors, émission pas compliquée aujourd'hui. On aura quand même des nouveautés de Vector et de Izan. On aura aussi Loudness dont l'album Lightning Strikes fête son 30e anniversaire. On va souligner le 30e anniversaire de cet album qui a porté le nom de Shadows of War à sa sortie initiale au Japon et plus tard en Europe et en Amérique sous le nom de Lightning Strikes. Et aussi, vers la fin de l'émission, évidemment, on va jaser un peu de ce claviériste virtuose et marquant dans l'histoire du rock, Keith Emerson, de Emerson Lake & Palmer, qui nous a quittés le 10 mars dernier, à l'âge de 71 ans. Dont l'influence est étendue jusque dans la sphère métal. Hein. Donc, on va en parler un peu plus longuement de M. Emerson vers la fin. Donc, on y va tout de suite avec un premier bloc musical. On aura Verbal Abuse, on aura Crumb Suckers, mais d'abord cette formation new-yorkaise Toxic de leur deuxième album Take This avec la pièce Technical Arrogance. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. sur Underground Québec Radio. This is the valley of the midget from Kid Rock! Mais c'est pas bête du tout, cette version de We're an American Band de Grand Funk Railroad, pièce de 1973. En fait, reprise en 10 ans plus tard par Verbal Abuse, un groupe de Houston, qui reprenait ça sur leur album American Band de 1983. Et cette pièce, en fait, la version originale par Grand Funk avait atteint. Ça avait été le premier single numéro 1 du groupe. Le 29 septembre 1973, c'était tiré de l'album du même nom, la version originale, bien sûr. Avant ça, on avait eu Crumbsuckers, c'est un groupe de Long Island, avec Super Tuesday, d'album Life of Dreams de 86. Et pourquoi j'ai fait jouer cette pièce, c'est que je voulais la faire jouer la semaine dernière, suite à tout ce qui se passait là, aux States, avec cette espèce de campagne électorale, burlesque, principalement à cause de ce personnage de bande dessinée, Donald Trump, évidemment. Juste pour vous dire que Trump, c'est non. Il ne faut pas être plus clair que ça. Parce que bon, je pense qu'il y a eu une espèce de Super Tuesday là, là-bas, là, et puis je pouvais pas m'empêcher de faire jouer ce classique de Crumbsucker Super Tuesday. Pas que je suis un amateur ou un connaisseur de foreign politics, encore moins celle d'ici. En tout cas, moi, je suis pas une référence à ce niveau-là, mais je trouvais ça sympathique de faire jouer cette pièce de Crumbsuckers. Et ouais. Avant ça, on avait eu un autre groupe de l'État de New York, Toxic, avec Technical Arrogance. C'était tiré de cet album, deuxième album assez intéressant, qui s'intitulait Think This. 6h15, non, 45. Vous écoutez Subversion, toujours sur Underground Québec Radio, et est venu le temps de souligner cet album de Loudness qui fête son 30e anniversaire ce mois-ci, soit le 24 mars. Oui, 30e pour ce Lightning Strikes, en fait, qui est sorti originalement sous le nom de Shadows of War au Japon. Et puis, bon, évidemment, les Européens et les Nord-Américains l'ont vu sortir quelques mois plus tard sous le nom de Lightning Strikes. Lightning Strikes, qui était leur 5e album, avait été enregistré au ZX Studio à Tokyo. Et, oui, entre décembre 85 et février 86, enregistré digitalement, de façon digitale, sur 24 pistes, mixé sur 48 pistes, masterisé à New York, et le tout produit par le renommé Max Norman, qui avait travaillé aussi avec Annihilator, Fate's Warning, Death Angel, Megadeth, Savatage, Ozzy Osbourne, entre autres. La formation d'alors se composait de ce line-up classique, ce quatuor émérite de Minoru Niihara comme vocaliste, Akira Takasaki guitariste, Masayoshi Yamashita à la basse et le regretté batteur Munetaka Higuchi qui nous a quittés évidemment en 2008. Ça a été le premier groupe japonais à avoir signé sur une compagnie américaine. Atco s'était emparé de ce phénomène. Le groupe avait sorti Thunder in the East en janvier 1985 avec des succès commerciaux intéressants quand même pour un groupe métal. Il avait atteint la 74e position du Billboard 200 à ce moment-là et il était resté pour 23 semaines. Lightning Strikes, son successeur tant qu'à lui, a atteint la 64e position en juillet 86. Et par la suite, Max Norman avait suggéré aux bandes d'engager un vocaliste vraiment anglophone là, à temps plein. Ils ont trouvé un remplaçant du nom de Michael Vissera. Parce que bon, Minoru, on sait qu'il chantait en anglais, mais comprenait que dalle de qu'est-ce qu'il chantait. C'est assez particulier quand même. Je me rappelle qu'ils avaient enregistré les vocales de Disillusion à Londres et ils connaissaient aucun mot d'anglais, mais pourtant... c'est quand même particulier. Puis, justement, Vissera, son remplaçant, il est resté jusqu'en 1991. Et par la suite, Minoru est revenu avec le band. Fort heureusement, à mon avis. La pièce d'entrée de ce Lightning Strikes, Let It Go, projette une intention ferme de percer le marché nord-américain, comme il l'avait fait avec la pièce d'ouverture du précédent Thunder in the East, avec la pièce Crazy Nights, qui est à mon avis beaucoup supérieure à Let It Go. Une pièce facile, un peu trop à mon goût, c'est du rock metal, ouais. Mais pour le reste de l'album, à part quelques ballades, il avait quand même réussi à conserver leur côté un petit peu progressif, un peu agressif en même temps. Évidemment, l'étoile dans ce groupe, Akira Takasaki, ce super-héros de la guitare, alors âgé de 25 ans, brillait une fois de plus avec une signature de son, un guitar tone propre à lui, un peu considéré par les observateurs comme étant le Van Halen du pays du soleil levant. Bref, je vous en ai assez parlé et on va écouter une pièce de l'album s'intitulant Black Star Oblivion, un succès souvenir des beaux jours de l'émission Metal Militia CRC il y a 30 ans justement. Alors, de cet album Lightning Strikes, voici Black Star Oblivion, à Subversion de Loudness sur Underground Québec Radio. Ah, que de souvenirs avec Loudness, cette formation japonaise. Oui, de cet album trentenaire, Lightning Strikes, qui avait eu jour le 24 mars 1986 sous le nom de Shadows of War. D'abord pour le marché japonais, puis pour les Européens et les Nord-Américains sous le nom de Lightning Strikes. La pièce qu'on vient d'entendre, c'est Black Star Oblivion. Et oui, j'ai dit un succès souvenir tantôt, et c'est vrai, ça me rappelle vraiment cette belle époque de CIRC où... J'animais l'émission Metal Militia dans ce petit studio de la Maison des 80 au 20 rue Riley. De très bons souvenirs relatifs à Loudness. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, je conseille de réécouter, revisiter les 5 premiers albums de ce groupe qui en vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment le détour. Il est 18h54 sur Underground Québec Radio. Vous écoutez toujours Subversion et on y va tout de suite avec deux autres pièces. D'abord, la formation britannique Xerath, mais d'abord Vector qui lance ce groupe d'Arizona qui est maintenant basé à Philadelphie. Il lance un troisième album intitulé Terminal Redux. Ça va sortir le 6 mai sur Earache et tout ça à leur retour d'une tournée américaine, évidemment, avec Voivod. Alors voici Charging the Void de Vector. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. C'est quoi, sérieusement, là, tes funérailles? La toune. Oh, c'est mes funérailles. M'en fous, être mince. What did I see? Love me like a reptile, the Motorhead. De... Ou I fuck like a beast, the Wasp. It's over there! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? d'entendre la très bonne formation britannique Xerath avec The Call to Arms. C'est sorti ça sur leur deuxième album paru en 2011, Xerath 2. Et après ça, c'est la première fois que j'entendais le terme cinématique metal. C'est une formation qui se dit influencée par des groupes comme Meshuggah, Strapping Young Lad, Opeth, Dimmu Borgir et aussi la musique de film, particulièrement la science-fiction. Je pense que ça s'entend. Et je ne sais pas si vous avez prêté attention à la qualité de ce solo de guitare qu'on a entendu vers la fin par Owen Williams. C'est vraiment de toute beauté. Je pense que c'est un des solos les plus mémorables que j'ai entendu dans ces cinq dernières années, vraiment. C'est une grande qualité qu'un musicien comme ça peut nous amener littéralement ailleurs, ne serait-ce que seulement par cette façon de rendre l'émotion. Tu sais, y a pas juste le côté technique, mais justement d'arriver avec les bonnes notes à la bonne place, un peu comme Michael Lagerfeld aussi, de Opeth. Je pense à Dan Mongrain aussi, qui est capable de, juste par un solo, une séquence de single note, et peut nous emmener littéralement ailleurs. On l'a entendu encore sur le dernier Voivode Post Society. Bref, c'est je trouve ça remarquable, et oui, Xerath font vraiment quelque chose d'une grande qualité, qualité sonore irréprochable. Et puis, c'était leur deuxième de trois albums, en fait, Xerath 2. Avant ça, on avait eu d'autres adeptes de science-fiction, hein, Vector, ces Américains qui lancent un troisième album prochainement sur Heroic Terminal Redux. On a entendu l'extrait Charging the Void, évidemment, de 2016. Il est 19h12. Vous êtes toujours sur Underground Québec Radio, l'émission Subversion, et encore du métal à venir, évidemment. On va entendre ces vétérans britanniques, hein, de Benediction. On aura aussi les Finlandais de Norther. Mais avant, Izan, ce musicien très respecté de la scène norvégienne, avec une nouveauté. Un deuxième extrait de l'album Arctis qui paraîtra sur Candlelight, sortie qui avait été retardée en passant. Donc ça verra le jour le 8 avril prochain. Et l'album sera composé de 10 pièces et avec quelques collaborateurs à temps partiel, comme à son habitude. Izan, entre autres, un visage quand même familier dans son entourage, le vocaliste Einar Solberg de Leprous, à la voix. Et aussi, le premier extrait qu'on avait entendu de cet album, Mass Darkness, avec Matt Heafy de Trivium, comme guest vocaliste aussi. Et sur une autre des pièces de l'album, on pourra entendre Einar Solberg de Leprous également. Ça, je l'ai dit, hein. Non, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, c'était une... Non, on parle d'une... une invitation à jouer du sax. Et par Jorgen Munkeby du groupe Shining. Donc, on verra bien où ce qu'il va nous amener cette fois-ci, Izan. C'est un concert qu'on avait quand même apprécié, hein, au Heavy Montreal. C'était vraiment très, très bien. Ça et Devin Townsend sur la même scène, imaginez. Bref. Bon, oui, fait qu'on y va tout de suite avec Izan. Je sens que je me perds dans mes propos. Est-ce que c'est la Labatt 50 qui me procure ce contretemps? OK, on y va avec Izan. Qu'est-ce que ça fait? Pressure. Yeah! Qu'est-ce qui nettoie? Qui désinfecte? Qui fait disparaître les microbes, les taches les plus tenaces? Et qui donne de l'éclat aux vêtements? Rendez-vous à l'île de Nodiquet. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, là, là. C'est la Parisienne, c'est la Parisienne, c'est la Parisienne, c'est la Parisienne, c'est la Parisienne. We'll be right back. vient d'entendre la formation britannique Benediction avec une pièce qui s'intitule The Bodyless. Oui, ça c'est tiré de l'album Grindbaster de 1998, leur cinquième. Et ça, ça m'a été suggéré par la bande, en fait, malgré lui, par le Dr. Pendragon de l'émission Réanimation assez fou de Trois-Rivières, lui qui allait d'un spécial 1998 dans une de ses dernières émissions. Alors, ça m'a inspiré à faire jouer oui, cette pièce de cet album. Moi qui n'avais pas beaucoup entendu de matériel après 1995 par ce band, je me suis dit, ouais, ça sonne l'enfer, ça. Je veux absolument faire jouer une pièce de cet album, Grindbastard. À noter aussi que sur l'album figurent des reprises de Judas Priest et Twisted Sister, et Andy Sneap lui-même a contribué à la production de l'album. Avant ça, on avait eu les Finlandais de Norther avec un cinquième album également. Oui, c'était un album intitulé Till Death Unites Us, dont l'extrait qu'on a entendu, Fuck You. C'est assez expéditif quand même, un peu comme le Fuck the Middle East, ou fuck My Shit Stinks, ou un Fuck Satan to Death hein, de The Glorbortions. j'aime bien cette pièce, par ce groupe qui s'est séparé finalement en 2012, après que le chanteur-vocaliste Petri Lindros, seul membre original à ce moment-là dans le band, avait quitté pour se consacrer à Ansi Ferrum. Il y avait trop de conflits de cédules, d'horaires, donc a quitté Norther. Et ensuite, ils ont... On s'en fout. Vous parlez un peu de Xan. Xan, on a entendu un deuxième extrait de cette nouveauté Arctis apparaître le 8 avril prochain. Et ça promet d'être une autre... Bonne expérience auditive avec cet ex-Emperor. On va se donner le temps d'écouter une dernière pièce, une longue pièce de Emerson, Lake & Palmer. Le pourquoi, eh bien, oui, pour ce groupe légendaire. C'est pour souligner l'accomplissement de son claviériste extraordinaire, le virtuose Keith Emerson, qui nous a quitté malheureusement à l'âge de 71 ans le 10 mars dernier. Le constat, en fait, l'enquête qui a suivi le constat de son décès démontre qu'il se serait enlevé la vie, par blessure par balle. Et on a aussi diagnostiqué, évidemment, une maladie du cœur et une dépression chronique. Chose et événement que, peu surprenant, selon Greg Lake lui-même, qui a accordé, dans une entrevue qu'il a accordée à un média britannique, a déclaré que Emerson était aux prises avec des symptômes dépressifs depuis aussi loin que 1977 et décrit son ami comme étant de plus en plus confus et dépressif au cours des dernières années de sa vie. Une des causes est fort probablement attribuée à la perte d'autonomie d'une de ses mains qui affectait considérablement son playing, son jeu, et ça quelqu'un pour qui la musique était toute sa vie, ça devait être... immensément difficile à accepter. La dernière apparition avec live avec Greg Lake et Carl Palmer remonte à juillet 2010 lors d'un festival en Angleterre. Sa virtuosité et ses performances théâtrales en concert ont fait sa renommée. Jordan Rudess de Dream Theater est un exemple notoire de musicien très influencé par lui. Keith, surnommé l'apprenti sorcier par les Français, brassait son Hammond L100 qui pesait quelque chose comme 215 livres avec le pedalboard et le brassait comme s'il s'agissait d'un bac de récupération. Ça, on peut voir ça à certains moments dans des vieilles performances live sur YouTube. Je parlais des Français, justement à cause d'une apparition à la télé française en 69 avec son groupe précédent, The Nice. Contraste assez intéressant et loufoque en même temps. C'est un événement malheureux et quand même surprenant qui a pris le monde de la musique par surprise, surtout ceux qui étaient présents à cette fameuse convention à Anaheim, le NAMM Show, où on avait pu voir Emerson dans une de ses dernières apparitions publiques, sans doute. On l'avait pu le voir photographié avec Jordan Rudess, justement, et Herbie Hancock. Alors, peu de temps après, eh bien, Keith nous quitte. Donc, en son honneur, nous allons faire jouer la pièce, en fait, la première partie de 3 de la pièce Carl in Evil 9, qui est d'une durée de 29 minutes. On va entendre la première partie, First Impression, à Subversion, sur Underground Québec Radio. Must be someone who can set them free to take this summer. We'll be right back. in a glaze of Vaseline. We'll perform our guillotine. What a scene, what a scene. Next time on the stand, will you please extend a hand to Alexander's ragtime band, Dixieland, Dixieland. Emerson, Lake & Palmer, on vient d'entendre le magistral Carnival 9, la première partie de 3, First Impression, première partie de cette longue pièce de 29 minutes qui paraît sur l'album Brain Salad Surgery de 1973. Emerson, Lake & Palmer, c'est quand même un groupe qui, dans les années 70, ont vendu plus de 40 millions d'albums et donné des concerts gigantesques un peu partout. Ouais, c'était leur quatrième album pour ELP, hein, qui a vu le jour en novembre 73. Keith Emerson s'était illustré d'abord à la fin des années 60 avec son précédent groupe The Nice. Et oui, Keith est né le 2 novembre 44 à Todmorden au Royaume-Uni. Et que dire d'autre de ce musicien notoire qui a été très influent même jusque dans la sphère métal, comme je disais dans le début d'émission. On peut parler de Dream Theater, Symphony X, Opeth, Mastodon, Voivod, on pourrait en nommer d'autres. Bref, un groupe légendaire qui a laissé sa marque et un musicien hors pair, ce Keith Emerson. Eh bien, ça complète pas mal l'émission d'aujourd'hui. Hein. Je vous dis la semaine prochaine, on va déjà être rendu au mois d'avril. Je voulais vous me demander de faire penser à vos amis qu'ils peuvent écouter les émissions antérieures aussi de Subversion sur soundcloud.com, Subversion Metal Show, aussi sur le blog hurlemort.com de Guillaume Gagnon alias Sinistros, et puis oui, c'est pas mal ça. Ah oui, on a dépassé le cap des 1000 écoutes hein, aussi sur SoundCloud, ça c'est intéressant. Et ça c'est à part de ce qui se passe avec Underground Québec en direct et toutes les plateformes qui sont reliées un peu partout sur la planète. Oui, il y a du monde encore, il y a quelqu'un au Brésil là, qui nous écoute toujours en passant. Bon, en tout cas, manifestez-vous. Bon, ok, trêve de blabla, je vous dis là-dessus, à la semaine prochaine, et puis pour plus de musique subversive, et peut-être aussi des commentaires de personnages qui ont joué de la musique sur des stages, que ce soit à Montréal ou à Québec. Ok, salut, à la prochaine, bye. Oh my god!